jamais su faire un solo. À la guitare, t'étais zéro, mon salaud. Tu massacrais Django. J'aurais dû te foutre à l'eau à coups de banjo. T'as jamais su mettre un smoking, toujours avec tes vieux jogging, tes trainings au resto, au dancing. J'aurais dû t'acheter des crocs de bowling. T'as jamais su dire un merci, même après tout ce qu'on s'est farci à Bercy, Bois d'Arcy, au Rincy. J'aurais dû te remercier sans merci. Su draguer les meufs, abonné au bar dans les teufs, comme un bœuf, prétendant que t'étais veuf. J'aurais dû t'envoyer te faire cuire un œuf. T'as jamais eu notre amitié, ta conversation faisait chier le monde entier. J'en perdais le monde entier. J'aurais dû te répudier sans pitié. T'aimer, maintenant que t'es mort, je peux bien l'avouer, enfoiré, j'ai jamais pu te blairer. J'aurais dû te faire buter au lieu de t'aider, ça va tout être.